merci d'être venus aussi nombreux pour cette première conférence Histoire de l'année. Je parle de l'année scolaire, l'année culturelle plus exactement. Donc ce soir, on va commencer par une conférence autour du premier art de l'humanité et de la grotte Chauvet, en présence du professeur Jean-Paul Demoule. Il est proto-histoire à l'Université Paris 1. Excusez-moi. Merci beaucoup et bonsoir. Donc, mon exposé va être centré autour de la grotte Chauvet, dont on a beaucoup parlé, puisque le fac-similé vient d'être ouvert et la grotte en même temps était inscrite parmi le petit millier de sites du patrimoine archéologique de l'humanité qui est géré par l'UNESCO. Je vais néanmoins tâcher de vous montrer que, à la fois, que c'est pas une espèce de miracle soudain, mais que ça se situe dans notre longue histoire humaine, et en même temps que ce qui se met en place à cette époque-là, eh bien, finalement, on va pouvoir le suivre dans l'histoire ultérieure des sociétés humaines. Ça, c'est la plus ancienne représentation connue, qui a été découverte très récemment, il y a moins de 10 ans, dans une grotte du sud de l'Allemagne, Hohlefels, l'abri de Hohlefels. C'est une petite statuette en ivoire, de 6 cm de hauteur, avec des caractères sexuels exagérés, et la tête n'est pas cassée, c'est simplement un petit anneau de suspension à la place, hein. Donc c'était destiné à être accroché, et visiblement c'était pas la tête qui était la partie qui intéressait le plus et les artistes et ceux qui le regardaient. Alors cet art préhistorique, il n'a pas toujours été reconnu comme tel. Les débats ont eu lieu à partir de 1875 autour de la grotte d'Altamira en Espagne, c'est un peu fou, mais bon. La grotte d'Altamira dans le nord de l'Espagne, qui était fouillée par un aristocrate dilettante, le marquis de Sotoala. Et c'est pas lui qui l'a découvert, lui fouillait la grotte, et c'est sa petite fille Maria. D'après l'histoire, elle avait 4-5 ans et elle était passée dans des endroits plus étroits de la grotte, et elle a regardé vers le haut et elle aurait crié « Tauros, Tauros », et ça serait la première fois. Alors il y a eu des débats féroces à cette époque-là. On était dans les années 1870, 1880, c'est le moment où on venait de découvrir l'extrême antiquité de l'homme. Jusque-là, on était, jusqu'au début du 19e, on fonctionnait sur la chronologie biblique qui faisait remonter le monde à peu près 6000 ans. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, la lecture non littérale de la Bible était encore, en théorie, même si c'était plus appliqué, passible d'excommunication. Et donc, l'homme de Néandertal, dont je vais reparler, avait été découvert en 1859 sur le site éponyme de Néandertal. Les découvertes de Boucher de Perthes dans les années 1830-1840 avaient révélé une ancienneté de l'humanité. Et les découvertes de Charles Darwin, le biologiste anglais, sur l'évolution des espèces dataient également, elle a été publiée en 1859. Donc il y avait toutes sortes de débats, l'homme descend-il du singe, etc. Et le fait qu'on ait trouvé un art aussi élaboré dans ces grottes préhistoriques faisait que pour les gens qui tenaient plutôt pour une spiritualité ancienne, ça les rassurait, et que pour les savants les plus positivistes, au contraire, ils avaient du mal à croire que ces singes aient pu dessiner aussi bien. Donc il y a eu des soupçons de fraude contre le malheureux marquis, jusqu'à ce qu'on finisse par découvrir d'autres grottes de manière indiscutable et qu'un savant français, Émile Cartaillac, puisse dire c'était bien l'enfance de l'art et non pas l'art de l'enfant, c'est-à-dire que c'était pas la petite Maria qui avait fait les dessins, mais c'était bien ancien. En fait, on connaissait ces peintures néanmoins, mais sans le savoir. On a un texte du XVIe siècle de François de Belforêt qui parle de grottes peintes connues dans les Pyrénées, et ça désigne notamment la grotte de Niaud. Et évidemment, ils ont trouvé aussi des statuettes féminines, puisqu'on parle d'un lieu souterrain où était l'idole de Vénus et infinie figure de Priape et autres saletés. Donc c'était effectivement connu, mais ce passage, non, c'est pas la proposition de Gros-Fignac, mais ça s'est passé inaperçu parce qu'il n'y avait pas de. On l'attribuait à l'Antiquité, puisqu'il n'y avait pas le moyen à l'époque de donner une si grande antiquité. Et en fait, même si les débats ont eu lieu autour de Altamira, deux ans avant, un historien amateur, Chabot, avait trouvé dans cette grotte Chabot, dans le Gard, déjà des figurations, des gravures de mammouth, mais ça n'avait pas dépassé la connaissance des amateurs locaux et c'était pas remonté jusqu'au milieu scientifique. C'est un très grand classique dans les sciences que il y a des choses qu'on sait. Par exemple, de Néandertal, la discussion commence en 1859, mais on avait trouvé en 1830 déjà à Gibraltar des restes d'hommes de Néandertal, mais ça n'avait pas été, il n'y avait pas les cases pour le penser, l'interpréter. Et c'est très classique en archéologie que quand on admet quelque chose de nouveau, une nouvelle civilisation, un nouveau phénomène, eh bien tout le monde se met à regarder dans les tiroirs des musées toutes sortes de choses qu'on avait mis un peu à l'écart parce qu'on ne savait pas comment le faire. Et brusquement, on a plusieurs dizaines de sites avec tel ou tel type de découverte. Alors, juste pour mémoire, par rapport à ce qu'on va voir, l'histoire de l'humanité, donc encore avant, vous avez la célèbre Lucille, vers 3 millions d'années. Les premières formes humaines, c'est vers 8 millions, 7 millions d'années, Toumaï et Tchad. Et puis on parle d'Homo à partir de 2 millions 5, 2 millions d'années, à partir du moment où on a des outils en pierre certains. Alors la pauvre Lucie s'appelle, est encore classée comme Australopithèque, c'est-à-dire singe pithèque du sud, mais elle avait certainement des outils parce que les chimpanzés ont des outils, simplement les chimpanzés utilisent des brindilles qu'on retrouverait pas archéologiquement ou des cailloux pour casser les noix qui ne laissent pas non plus de traces en tant qu'outils. Donc vous avez le genre Homo officiel qui commence vers 2 millions d'années avec deux sorties successives d'Afrique, le Homo erectus vers 2 millions d'années qui arrive en Europe par la Géorgie et peut-être par le détroit de Gibraltar, et le vieux site français actuellement est près de Béziers à Lézignan-la-Sèbe, daté d'à peu près 1 million 2. Et puis ces Homo erectus vont évoluer en homme de Néandertal ensuite, c'est juste une évolution locale propre à l'Europe. Et puis, deuxième sortie d'Europe, d'Afrique, les erectus africains vont continuer d'évoluer et ça va donner Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire vous et moi dans cette salle, on se qualifie de sapiens sapiens, sage sage. Pour son auto-persuader. Et ces homo sapiens vont rencontrer les hommes de Néandertal, et on sait depuis 5 ans qu'il y a eu des croisements, il y a eu des histoires d'amour entre Néandertaliens et sapiens sapiens, et nous tous dans cette salle, on a 4% à peu près de gènes de Néandertal. Vous pouvez chacun d'entre vous interroger quelle est la part de Néandertaliens. Donc ça, c'est l'évolution globale, et les homos, pour vous donner quand même un ordre de grandeur. Si on représente sur la durée d'une année, c'est 2 millions d'années depuis qu'on a des homos avec des outils. Donc Homo erectus, Homme de Néandertal, etc. Si on représentait ça sur une année, eh bien, l'homme de Néandertal, il apparaîtrait le 14 novembre, et l'Homo sapiens sapiens, vous et moi, n'apparaîtrait que le 24 décembre, le jour de Noël. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture et l'élevage, il y a 10 000 ans, où tout découle. Ensuite, c'est le 29 décembre. Vous voyez quand même que par rapport à l'histoire humaine, ce qu'on va voir aujourd'hui, là, entre guillemets, c'est à partir du 24 décembre d'une année complète. Alors, première forme humaine qui arrive en Europe, Homo erectus, c'est reconstitution faciale qu'on fait à partir de l'insertion des muscles sur le crâne. Ça devait ressembler à peu près à ça. C'est aussi ce qu'on appelle le pithéganthrope à Java, le sinanthrope en Chine. C'est le premier qui domestique le feu. Donc, l'idée de la guerre du feu avec des petites cages et du feu qu'on essaie de se transporter, c'est évidemment faux. À partir du moment où le feu est domestiqué, on sait le faire, même si au début ça a été sans doute par hasard, effet de la foudre, etc. Et c'est le premier qui fait des outils qui sont inutilement symétriques, comme ce qu'on appelle des bifaces. C'est, avant, on casse simplement des cailloux, les premiers homo habilis cassent des galets pour avoir des surfaces tranchantes, mais c'est encore assez rudimentaire. Et à partir d'Homo erectus, il fait des outils qui sont inutilement symétriques, c'est-à-dire qu'ils sont plus... c'était pas la peine de se donner autant de mal pour avoir une surface, ce qui veut dire que en même temps qu'il y a les progrès de l'hominisation, la complexification du système psychique, il y a aussi une sorte d'attrait esthétique. Ces outils, c'est les premières manifestations de ce qu'on appelle nous le design, c'est-à-dire faire que des objets soient inutilement beaux, tout en étant fonctionnels. Alors, depuis quelques mois, on a une preuve supplémentaire d'activité esthétique désintéressée de la part d'Homo erectus. Ça se trouve à Java, justement, le premier erectus qu'on a trouvé, qu'on a appelé Pithéganthrope, hein, le singe homme. C'était à Java à la fin du 19e siècle, et on a découvert une coquille qui porte donc ces zigzags extrêmement réguliers qui ont été faits sur le bord de cette coquille. Donc c'est tout récent comme découverte, et c'est la première manifestation qui est là complètement désintéressée, puisque les bifaces sont quand même encore un peu utilisées. En revanche, il y a toujours des débats sur deux petites statuettes attribuées à Homo erectus et datant d'à peu près moins 300 000 ans. L'une trouvée au Maroc, Tantan, et l'autre près du Golan, à Berekat Ram. On pense que c'était ceux qui y croient, en fait, des formes naturelles, mais qui ont intéressé les erectus, et ils auraient retravaillé un petit peu pour donner cette forme humaine. Je n'ai pas d'avis sur la question, mais la communauté scientifique est partagée là-dessus, mais je voulais vous le signaler. Alors, il y a aussi, toujours sur la complexité psychique, vers moins 300 000 ans, des erectus qui vivaient en Espagne, dans la montagne, la colline d'Atapuerca, près de la ville de Burgos, on a retrouvé déposé dans une cavité karstique une trentaine de squelettes d'Homo erectus qui ont été déposés au fur et à mesure de leur décès. C'est la reconstitution de l'ensemble de ces Homo erectus à partir de leur squelette. Et vous avez un squelette en haut à droite, et voilà la fouille de cette cavité karstique. Et au milieu de ces squelettes, on a trouvé de nouveau un biface en quartz rouge, extrêmement régulier, une matière assez rare et qui n'avait jamais servi. Donc ce serait la première offrande funéraire de l'histoire du monde il y a 300 000 ans, c'est aussi une découverte récente. Donc tout ceci pour dire qu'il y a un cheminement progressif qu'on peut observer dans cette évolution de l'humanité. Et après, donc, on arrive à l'homme de Néandertal qui émerge aux alentours de 200 000 ans, 100 000 ans. C'est ce qu'on va appeler le paléolithique moyen dans la chronologie des archéologues, ce qui avait avant c'était paléolithique inférieur avec Homo erectus. Paléolithique moyen qui dure donc jusqu'à l'arrivée des sapiens sapiens. Les Néandertal, on l'appelle déjà Homo sapiens néandertalensis. On avait tendance avant à la représenter un peu comme une brute. En général, c'est la brute poilue des BD, de la présentation traditionnelle d'un homme préhistorique, c'est l'homme de Néandertal. En fait, il a un cerveau qui est pratiquement du volume d'une autre. On dit souvent que bien rasé, bien habillé, on ne le reconnaîtrait pas dans le métro. Et il a tout le système phonatoire qui lui permettait de pratiquer un langage articulé. Et maintenant qu'on sait qu'en plus, il y a eu des unions entre les deux espèces, ça on rajoute dans son humanité. En fait, bizarrement, c'est le seul moment de l'histoire humaine où il n'y a qu'une seule espèce humaine, c'est-à-dire nous. Avant, il y en avait plusieurs, comme chez les primates, comme chez les grands singes, il y en a plusieurs, et c'est plutôt maintenant que c'est un phénomène un peu étonnant. Jusqu'à il y a 15 000 ans, sur l'île indonésienne de Flores, une variété d'Erectus de très petite taille, à cause de la situation insulaire, qui a vécu jusqu'aux environs de moins de 7 000 ans. Et on a trouvé aussi dans une grotte sibérienne, il y a quelques années, c'est uniquement une phalange jusqu'à présent, mais d'une espèce humaine préhistorique dont l'ADN n'est ni celui de Néandertal, ni celui de Homo sapiens, qu'on appelait Denisovien, du nom de la grotte de Denisova, si bien qu'à ce moment-là, il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y avait sans doute au moins quatre espèces humaines qui vivaient en même temps. Les Homo sapiens, les Néandertaliens, les Denisoviens et les gens de l'île de Flores. C'est tout ça, Denisova et Flores, c'est des découvertes très très récentes dans des régions très peu fouillées. Donc on peut imaginer qu'on a encore bien d'autres découvertes à atteindre. Alors on a trouvé donc je vous ai signalé ce premier rite funéraire à Tacuarca. Ça se généralise chez les Néandertaliens. On a plusieurs dizaines de tombes de Néandertaliens et quelquefois des dépôts d'objets, de crânes de bouquetins, de fleurs même qu'on peut retrouver par les pollens. C'est une des premières tombes qui était Néandertalienne, qui était fouillée de clichés un peu flous. C'est aussi les premiers qui mettent des parures, qui récupèrent, qui perforent donc des dents de cerfs, de carnivores pour se décorer le corps. Donc c'est une manière de se présenter et de s'individualiser qui va aussi dans le sens d'une complexité psychique plus grande. On a des preuves aussi qu'ils broyaient des colorants. On ne sait pas pourquoi, il broyait de l'ocre rouge, mais on ne sait pas si c'était pour se peindre lui-même ou pour peindre des vêtements ou pour peindre autre chose. Et puis, très récemment aussi, on a trouvé à Gibraltar, dans la grotte de Boram, vous avez là au bord de la mer, ces espèces de croisillons qui sont attribuables à l'homme de Néandertal et qui sont aussi la preuve de tracés désintéressés. Mais donc on va arriver maintenant à Sapiens, qui émerge en Afrique vers moins 100 000 et qui est présent en Europe vers moins 40 000 ans. Et depuis 40 000 ans, au moins, il n'y a pas de changement, si vous voulez, c'est exactement les mêmes. Les capacités psychomotrices sont les mêmes. Même s'il y a de toutes petites évolutions, il y a une tendance à la réduction, par exemple, de l'arcade sourcilière. Il y a le fait que si vous regardez votre première molaire et si elle est encore plombée, si vous avez 5 pointes, si votre première molaire a 5 pointes, vous êtes plutôt en arrière dans l'évolution, les rectus en avaient 6. Si vous avez seulement 4 pointes, vous êtes plus en avance ou plus proche de la décadence sur l'évolution humaine. Alors, quand on dit Chauvet, c'est le premier arbre de l'humanité, depuis très peu de temps également, on a des dates à 40 000 ans, donc plus anciennes que Chauvet. Chauvet, on va y revenir, c'est 36 000, 35 000 à peu près. Mais on a des représentations et les célèbres mains négatives qu'on va voir aussi à Chauvet et un peu partout. Donc on applique sa main sur la paroi et on souffle des colorants. Donc on utilise sa main comme pochoir. Hein. On peut avoir aussi des mains positives. Donc dans cette île de Sulawesi en Indonésie, on a cette technique des mains négatives ou des mains positives qu'on a partout dans le monde à différentes dates. Et puis là, il y a un animal qu'on ne devine pas très bien, mais qui correspond à une espèce locale de petits mammifères proches du cochon qu'on appelle les babirossa. Et donc vous voyez, Inde, Australie, cette pratique de la main négative, elle se trouve un peu partout. Donc on l'interprète parfois comme source de la représentation de soi-même, parce que vous appliquez votre main sur la paroi, vous en conservez la trace, et ensuite vous retirez votre main. Donc vous représentez une partie de vous-même en prenant du recul par rapport à vous-même, ce qui est déjà un peu compliqué sur le plan psychique. Et la même chose avec les traces qu'on va laisser dans les grottes. C'est aussi une trace de soi, comme la main est une trace de soi. Alors, je vous avais montré Olaf Fels hein, tout à l'heure, la statuette de gauche. Il y a deux autres statuettes de la même époque qui sont considérées comme féminines, même si c'est moins évident les deux autres. Toujours vers moins 35 000 ans, et dans la même région, le Jura Souabe et l'Autriche. Celle du centre est sur une plaquette en roche verte découpée, celle de Hollenstein, qui est en ivoire également, et avec une tête de lion, mais un corps humain et qui semble plutôt féminin. Alors, on est dans la présentation, dans ces premières représentations. Ça, c'est les trois premières, ce que vous venez voir vers 35 000 ans, les trois premières représentations humaines. Il y a quelques représentations d'animaux aussi dans le Jura Souabe, dans le sud de l'Allemagne, des petites plaquettes en forme de mammouth, de lion, on en connaît à peu près une dizaine. Et puis, dans le Périgord, on connaît aussi quelques représentations, mais de chevaux aussi, également de sexe masculin et féminin très stylisé. Et jusque-là, on considérait que 30 000 ans, l'arrivée de l'Homo sapiens, la première civilisation de l'Homo sapiens, qu'on appelle aussi l'Aurignacien, du nom de la grotte d'Aurignac dans le sud-ouest, on considérait que c'était un peu une espèce de balbutiement de l'arbre, non, l'enfance de l'arbre, justement. Et la grotte Chauvet a été une découverte très importante parce qu'au début, bon, on avait déjà vu, on va en voir, il y a des animaux, donc on se dit c'est des animaux, c'est comme Lascaux, donc Lascaux c'est 17 000 ans, c'est l'arbre solutréen et magdalénien, donc pour aller vite, entre 20 000 ans, moins 20 000 et moins 12 000, on représente des animaux de manière réaliste et c'est un développement à partir de ces premiers balbutiements qu'on avait à l'Aurignacien. Et le grand préhistorien Leroy Mouan, dont je vais parler, avait classé justement les styles préhistoriques en quatre styles, 1, 2, 3, 4 en chiffres romains. 1, c'était les balbutiements de l'Aurignacien, 2, c'est un peu plus élaboré, 3, c'est le début de Lascaux, et 4, c'est les balbutiements de l'art magdalénien. Il insistait justement sur le fait qu'on avait toute l'évolution d'un arbre, comme on a ensuite à d'autres périodes historiques plus récentes, l'évolution de cet arbre. Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, la grotte Chauvet, eh bien, quand les premières dates tombent, fait sur le charbon qui sert à faire les figures, eh bien, on a des dates à 35 000 ans, 36 000 ans. Donc, contemporaine de ce que vous venez de voir dans le Juraswab, et pas du tout ce qu'on aurait attendu, quelque chose entre 15 000 ans et 20 000 ans. Donc, au début, il y a eu du flottement et un moment d'incrédulité, moi compris, en me disant bah, ça doit être un problème de méthodologie, mais technique de datation, ça arrive que les datations se trompent. On peut avoir des contaminations, on peut avoir des erreurs de laboratoire, ça tient peut-être à l'humidité des grottes, etc. Mais ensuite, plus les datations se sont multipliées, plus on est tombé dans ce créneau. Et à ce moment-là, en y réfléchissant, on s'aperçoit, on va en reparler, que ce n'est pas du tout la même thématique que ce qu'on a ensuite dans le Périgord, au Solutréen, au Magdalénien, vers 15 000 ans, où on a essentiellement des grands herbivores, chevaux, bisons, rocs et bouquetins. Et que là, au contraire, on a essentiellement des animaux dangereux, des rhinocéros, des lions, et pas la thématique qu'on connaissait jusque-là. Donc ça fait admettre qu'effectivement, c'est en doute un autre phénomène. Alors vous voyez, 35 000 ans, 15 000 ans, c'est la même distance entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Hein. Des distances considérables. On donne des chiffres comme ça, mais quand on essaie de se les représenter, c'est assez difficile. Alors, la grotte Chauvet se trouve dans ces falaises des grottes de l'Ardèche, avec cette arche naturelle qui a donné son nom à la commune, Vallon-Pont d'Arc, donc cette arche très, très spectaculaire. On l'a appelé Chauvet parce que c'est du nom des découvreurs. En fait, ils étaient trois, j'y reviendrai très brièvement. Mais maintenant, jadis, on donnait le nom de la commune. Et puis, c'est au moment où on a découvert la grotte Cosquer près de Cassis, au début des années 90, qu'on a donné le nom du découvreur, qui était un scaphandrier, l'entrée de la grotte à moins 40 mètres à cause de la remontée du niveau de la mer depuis cette époque. C'est un scaphandrier qu'il avait trouvé, Cosquer, et à l'époque, le ministère de la Culture, pour lui faire plaisir, a dit bah, c'est la grotte Cosquer, ce qui n'était pas du tout l'habitude jusque-là. Et comme la grotte suivante découverte a été par Chauvet, on a dit bon, bah, c'est la grotte Chauvet. Alors ensuite, les choses sont compliquées parce que il y a eu des affaires juridiques très complexes et pas complètement finies entre les découvreurs, les trois découvreurs et le ministère de la Culture qui a même fait défaut en écriture parce qu'ils ont découvert ça un week-end sur leur congé. C'était des spéléologues amateurs, mais Chauvet lui-même était un vacataire qui travaillait à la direction régional des affaires culturelles de Rhône-Alpes à Lyon, et on lui a fait une espèce d'ordre de mission rétroactive avec il était missionné pour découvrir la grotte Chauvet. Ça m'a fait plaisir. Ça s'est assez mal passé. Il y a eu des maladresses de part et d'autre. Des histoires allongent. Après, il y a eu l'histoire des terrains. Comme on a déclaré, c'était trois fois plus important que Lascaux. Il y a un juge pointilleux qui a calculé combien Lascaux avait rapporté au tourisme. Il a multiplié par trois et puis il a décidé que l'ensemble des terrains, l'État devait donner ça aux propriétaires des terrains au-dessus de la grotte, aux propriétaires de la grotte, parce qu'elle était inconnue jusque-là, mais aux propriétaires des terrains. Donc il y a eu toutes sortes de péripéties vraiment, vraiment complexes. La semaine dernière, il y a un débat parlementaire pour réformer la loi sur le patrimoine. C'est d'ailleurs pas le patrimoine, mais aussi la création d'architecture. Ça peut être l'architecture patrimoine. Et une des dispositions, c'est qu'on s'alignerait sur la législation italienne et sur la législation grecque, israélienne, toute l'Europe centrale et occidentale. Le sous-sol archéologique est la propriété des citoyens, la propriété de l'État. Donc, c'est déjà le cas du sous-sol minier qui appartient à l'État, c'est-à-dire à nous. Alors qu'il y a cette bizarrerie que, comme dans les pays anglo-saxons, La découverte archéologique appartient par moitié au propriétaire du terrain et par moitié à ce qu'on appelle l'inventeur, celui qui découvre. Sauf quand c'est de l'archéologie préventive, l'archéologie de sauvetage, où c'est l'État qui organise la fouille, c'est moitié pour l'État et moitié pour le propriétaire du terrain. En première lecture, les députés ont proposé de s'aligner donc, sur les voies de la majorité des pays européens, mais ensuite il y a des navettes avec le Sénat, donc ça va prendre encore plusieurs mois. Cette grotte donc, se présente comme une série d'alvéoles sur 200-300 mètres, avec une série de salles qu'on va regarder, avec l'entrée ancienne qui a été bouchée par des éboulements à date ancienne, justement, ça a commencé vers moins 20 000, et vers moins 10 000, c'était complètement bouché. Et les découvreurs, je suis désolé, ça on voit pas grand-chose, les découvreurs sont entrés par une autre entrée. En fait, c'est une toute petite infractuosité qu'ils ont découverte par hasard, ils en sont tous vivants, etc., cachés dans les buissons, personne ne connaissait, ils l'ont un peu élargi à explosif, pas une bombe atomique, mais un peu d'explosif pour élargir, et puis là, ils ont découvert effectivement tout le reste. Mais comme ils n'ont pas dit le même jour, mais seulement au bout d'une semaine, parce qu'ils ont pris plein de photos, etc., il y a théoriquement une loi que j'ai appliquée qui est non-déclaration de trouvailles archéologiques. Si vous découvrez une trouvaille archéologique dans votre jardin, elle est comme moitié à vous, une totalité à vous si c'est vous qui la découvrez. Mais il faut quand même en référer au ministère de la Culture. Dire que vous avez trouvé ça, ça reste à vous, mais il faut le dire. C'est évidemment très peu appliqué. Il suffit d'aller sur eBay pour voir que toutes les ventes d'objets archéologiques trouvés illégalement des détecteurs de métaux, voir qu'on est loin du compte. Donc une série de salles, une grotte karstique, vous voyez, creusée jadis l'Ardèche, en des temps beaucoup plus anciens, donc dans cette contrée complètement calcaire. Et en activité au sens où il y a des ruissellements qui ont créé toutes sortes de stalactites et de stalagmites. Donc la grotte est aussi une curiosité naturelle. Donc on va regarder un peu visiter. Vous pouvez faire la même chose que moi, c'est sur le site du ministère de la Culture. Vous allez dans la rubrique les grands sites archéologiques et là vous pouvez les voir salle par salle. Donc vous avez toute une série de salles, donc la salle Brunel, c'est le nom d'une des trois découvreuses, Élise Brunel. Et après, vous aurez la salle Hilaire, c'est le troisième, et Chauvet, lui, il a l'ancienne de la grotte. Donc vous avez à gauche le plan de la grotte, et puis le petit point blanc vous indique où on est à cet endroit-là. Donc la première salle, la salle Brunel, donc ça vous donne une idée de l'atmosphère à la base de la grotte, et vous voyez tout au fond, on les reverra plus en détail tout à l'heure, plein de points rouges qui ont été appliqués. Alors cette salle était encore dans une semi-obscurité parce qu'elle était près de l'entrée préhistorique, l'entrée ancienne. Et une des caractéristiques, c'est qu'au début, les signes ou les animaux sont rouges et tous les autres, comme vous avez déjà dû le voir et comme on va le revoir, sont noirs. Ensuite, c'est de la peinture noire qu'on utilise, mais c'est le même style et visiblement la même époque. Alors cette époque, donc, pour l'instant, les datations, c'est autour de 35 000, sachant que c'est le carbone 14 et qu'on sait que quand on a deux méthodes qu'on peut contrôler le carbone 14, il y a eu des variations. Carbone 14, vous le savez, tout être vivant dont nous tous ici, on est fait essentiellement de carbone et d'eau, mais une partie de ce carbone est radioactif par les échanges qu'on entretient avec l'atmosphère, où il y a aussi du carbone radioactif. On est tous radioactifs, mais à des taux évidemment très faibles. Et au moment de la mort de l'individu, il n'y a plus d'échange, et donc la radioactivité commence à décroître, à peu près de moitié tous les 5000 ans. Donc quand on arrive vers moins de 50 000 ans ou 50 000 ans, les instruments de mesure qu'on a font qu'on ne mesure quasiment plus rien. Mais néanmoins, comme la quantité de carbone radioactif dans l'atmosphère a varié au cours du temps, la date qu'on obtient n'est pas complètement exacte. On sait que quand on est vers 5000 ans, par exemple, si le carbone 14 nous donne 5000 ans, en fait, il y a déjà une erreur de 800 ans. Et ça dépend des fois ça tombe plus. Voilà, on a d'autres méthodes qui permettent de dater certaines choses, comme la méthode de l'uranium, ou ce qu'on appelle la thermoluminescence, qui permet de dater des foyers. C'est un ordre de grandeur, l'idée que c'était vers moins 35 000. On est donc vers moins 35 000, moins 36 000. Toutes les peintures, à chaque fois qu'on a daté, datent bien de cette époque. En revanche, on a des preuves d'une nouvelle présence dans la période suivante, qu'on appelle le Gravettien, dont on va reparler parce que c'est l'époque. On a produit plus de figurines féminines, qu'on appelle le Gravettien, et donc qui est aux alentours de 30 000, 31 000. Il y a de nouveau une série de dates sur des charbons, sur quelques tracés. Alors, la différence entre les deux, on peut dire, on va pas en mettre un million près, mais c'est quand même beaucoup. C'est la différence entre les deux, c'est à peu près le même espace de temps qui nous sépare de Toutankhamon, par exemple. Donc, visiblement, 2-3 000 ans après, il y a de nouveau des humains qui sont rentrés dans cette grotte. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont un peu été présents. Et puis, ensuite, la grotte a commencé, l'entrée a commencé à s'obscurer, la calcaire se fissurant, c'est boulant, et ça a été scellé à jamais. À ceci près que, dans les époques préhistoriques également, il y avait tantôt des hommes, mais tantôt des ours. Des tas de traces, vous verrez aussi une question particulière des ours, mais les ours des cavernes, des animaux assez redoutables, qui à certains moments ont vécu, quand il n'y avait pas d'humains, ont vécu dans cette grotte. Donc la première salle, et vous voyez tous ces systèmes de stalagmites et de stalactites. Donc là, toujours la salle Brunel, avançant un peu plus, vous voyez ces tracés rouges là par exemple, ces points. Donc la salle suivante s'appelle la salle des Vosges, là vous voyez le volant, la salle d'Est, s'appelle la salle des Vosges parce qu'il y a des Vosges d'ours, ces endroits où les ours sont aménagés, où on a pas mal de squelettes d'ours parce que les ours, quand ils étaient vieux, ils mouraient. Et ça, c'était assez fréquent dans toutes ces grottes, si bien qu'au XIXe siècle, on parlait d'un culte de l'ours, parce qu'on voyait qu'il y avait de l'ours partout. C'est notamment le roi Gouran qui a montré que souvent, quand on disait, vous voyez bien, c'est organisé, c'est simplement les ours qui poussaient les os de leurs congénères décédés pour avoir de la place. Donc, on a des effets, des fois, d'organisation qui sont dus aux ours et pas aux humains. Donc, la salle suivante. Donc là, toujours la salle des Vosges en avançant d'un peu plus près. Donc, vous voyez, quand il y a des archéologues sur place, ça donne la taille. Alors, vous voyez aussi que les archéologues ont construit des passerelles sur les bords. Les archéologues n'ont jamais marché au milieu pour justement laisser intact tout ce qui pourrait être trace humaine. Et également tenir compte du fait qu'avec les progrès continus des techniques, on pourra peut-être trouver des traces chimiques, d'ADN, de toutes sortes de choses pour lesquelles il ne faut absolument pas qu'il y ait de contamination et qu'on marche. Parce que jusqu'à il y a peu, par exemple, si on prend le cas de la grotte de Lascaux, vous savez, on est obligé de la fermer, parce que pour l'aménager pour le touriste, on l'a vidé sur un mètre, le couloir sur un mètre d'épaisseur, on a complètement bouleversé l'hygrométrie de la grotte. En plus, il y avait des milliers de, de touristes qui visitaient. Moi, j'ai visité gamin dans les années 50 ou 60, avec les fermes en 63. Et donc, effectivement, elle a commencé avec l'excès de gaz carbonique et de vapeur d'eau, à développer des algues, des champignons. Donc, il a fallu la fermer. Et pendant longtemps, on pouvait la visiter. Il y avait 3-4 visites tolérées par jour, 3-4 personnes par jour. Je l'ai revisité au début des années 2000. Et puis, il y a de nouveau une reprise des algues et des champignons. Et là, elle est complètement fermée pour l'instant, c'est preuve du contraire. Donc, quand on a découvert à date plus récente, Cosquer, on ne peut pas y aller parce que plongé à 40 mètres, on l'a quand même obstrué parce qu'il y a eu quelques essais de gens qui ont voulu y aller et c'est dangereux, il y a eu des morts. Et la grotte de Fontanet, trouvée un peu avant, justement, était la première qui a été fermée, alors parce qu'il y avait des tas de traces de pas, y compris des traces de sortes de chaussures en cuir préhistorique. Et donc, il est évident pour l'instant, dans l'état de nos techniques, Chauvet ne sera jamais ouverte au grand public, et c'est pour ça qu'il y a la fameuse reproduction dont on va parler un peu plus tard. Et même les archéologues, pour les archéologues, c'est extrêmement limité, c'est une ou deux heures par jour, avec des vêtements spéciaux, il y a un sas qui garantit l'hygrométrie de la grotte, et il y a le déplacement sur ces passerelles dans un métal particulier qui touche à peine, le sol, afin de préserver effectivement cette information exceptionnelle. La salle suivante, le cactus, parce qu'il y a cette prolifération assez fascinante comme ça de stalactites et de stalagmites. La salle 8 des panneaux rouges, vous voyez toujours le point blanc, là on avance dans la grotte, vous voyez que c'est assez impressionnant par rapport à la taille de l'archéologue. La salle dite du cierge à cause de stalactites et stalagmites, là en forme de bougies fondues et effondrées. Et là on voit bien la passerelle. Hein. La salle Hilaire, donc c'est le troisième découvreur. La galerie dite des croisillons, un peu vers le plus loin à gauche, vous voyez une bifurcation gauche et droite. La salle dite des mégacéros à cause de la présentation de ces herbivores. Ça, c'est l'autre diverticule à droite. Et la salle tout à fait au fond. Des fois la sacristie, mais ce n'est pas le terme officiel. Alors, on va regarder, maintenant que ça c'est une présentation, on va regarder un certain nombre des thèmes. Il y a à peu près 470 représentations d'animaux, sauf une dont je reparlerai. Et il y a 14 espèces d'animaux représentées, sans compter les signes. Donc là, de nouveau, les fameuses mains négatives, mais dans le rouge, donc plutôt dans la première moitié de la salle. Et donc ces mains négatives qu'on retrouve de l'Inde à l'Australie ou à l'Indonésie à toutes les périodes et qui sont à moins un trait de l'humanité vis-à-vis d'elle-même. Certains avancent qu'il y a une proportion en principe universelle de relations entre les doigts différentes chez les hommes et chez les femmes qui permet de savoir si c'est des hommes ou des femmes. Là où ça a été fait de manière un peu systématique et détaillée, on a vu qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. Donc là, c'est pas réservé à un seul des sexes. Donc là, dans la première partie, là qu'on apercevait dans la première salle de loin, vous voyez toute cette paroi qu'on a couvert de points rouges. Alors c'est important, c'est fini, on y reviendra tout à l'heure. Autre vue d'un peu plus près de ces points. Donc maintenant, on va voir les animaux, donc essentiellement en noir, mais vous en verrez quelques-uns de rouge. Donc c'est les panneaux les plus célèbres. Donc en noir, beaucoup d'animaux dangereux, rhinocéros ici, lion là-bas, et avec un phénomène qui est très particulier, c'est-à-dire ces animaux avec, qui semblent comme ça se succéder, si bien que certains archéologues ont pensé à une espèce d'effet cinématographique, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça c'était avec des torches en bois, et du bois qui était allumé, et on a souvent des effets de mouchage, c'est-à-dire comme si votre branche qui est allumée, ça commence à se consumer, si vous voulez raviver la flamme, vous tapez dans la paroi, et ça élimine la partie déjà brûlée, et en même temps c'est utile aux archéologues, parce que ce mouchage, il y a du carbone pur, et vous allez pouvoir le dater. Donc c'est avec des torches, et donc certains archéologues se demandent si avec ce mouvement des torches et ces espèces d'animaux comme ça redoublés que vous avez là ou que vous avez plus loin, on va en voir d'autres, ça ne pouvait pas faire une espèce justement d'effet cinématographique qui s'était développé. Notamment un historien qui s'appelle Marc Azema qui a écrit un ouvrage là-dessus. Alors ce qui est frappant aussi, c'est l'abondance d'animaux dangereux. Il y a à Chauvet à peu près 60% de tous les rhinocéros connus dans l'art paléolithique européen. Et il y a également beaucoup de lions, alors que dans la période classique, 15 000 ans plus tard à Lascaux, on n'a que des herbivores plutôt pacifiques, chevaux bisons ou chevaux rocs, hein, et bouquetins, et que quand on a des carnivores, c'est toujours dans des endroits très reculés, des verticules un peu éloignées, où on a des animaux dangereux. Donc là, il y a un rapport différent à cette faune, et ça vous laisse certainement dire autre chose. Je reviendrai évidemment tout à l'heure sur les interprétations possibles. Donc voilà toute une série de lions avec ce qui fait de redoublement. Ou là, exactement la même chose pour les chevaux. Donc, si vous jouez avec une torche, vous pouvez avoir l'impression que les chevaux vont bouger. Voilà, avec également des cervidés ici, notamment là, donc toute la faune, et ça va être une des caractéristiques de tout l'art paléolithique, c'est que les humains se représentent très peu, sauf dans certains cas, et que ces humains, les humains comme tous les chasseurs-cueilleurs qu'on connaît par l'ethnologie, se voient comme une espèce parmi d'autres qui se sont immergés dans les animaux, même quand ils chassent, c'est souvent on va s'excuser de tuer les animaux, et on va faire toutes sortes de cérémonies éventuellement pour s'en excuser. C'est avec le néolithique, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, la domestication des animaux et des plantes, le rapport avec la nature va devenir un rapport de domination qui est plus un rapport d'immersion. Voilà encore des rhinocéros. Encore des rhinocéros avec cet effet comme ça, cinématographique, des lions. Un rhinocéros rouge, cette fois, qui est dans une position plus isolée et qui est moins soigné. Un renne, alors, on a remarqué aussi, mais c'est aussi le cas de Lascaux, c'est de la période de Lascaux, c'est que tous les animaux, les magdaléniens qu'on fait Lascaux, à 90% quand on fouille leur campement, ils mangeaient du renne. Mais ils représentent très peu les rennes, c'est une exception. Tous les animaux qu'ils représentent ne sont pas des animaux qu'ils mangent. Donc, c'est des animaux qui, dans leur vision des choses, ont une autre fonction. Voilà une panthère, c'est exceptionnel, effectivement, pour une représentation. Voilà, là on a un bisou, on est un autre quadrupède. Voilà une représentation d'ours, là en rouge, qui a publique, donc il savait que c'était ce que c'était que les ours, puisqu'ils partageaient le même espace. Puis là, un pendant de rocher très particulier. Ici, là, à droite, qu'on a appelé, il y avait un panneau normal là, à gauche, et donc on a une espèce de pendant de la roche qui. Donc, à une représentation tout à fait particulière, le voilà d'un peu plus près. Alors, beaucoup de ces dessins, ces relevés se font à distance, parce que justement, les archéologues ne peuvent pas y aller pour toucher, pour justement ne pas perturber le sol de la grotte. Et donc, sur ce pendant, il y a des animaux ici, comme une lionne, et puis il y en a derrière, parce qu'il y a des forêts tout autour, et vous avez essentiellement. Là, un bas-ventre féminin, on va voir d'un peu plus près, avec une tête de bison le par-dessus. Et c'est la seule représentation humaine, voilà, un peu plus clairement, c'est la seule représentation humaine de l'ensemble de la grotte. Donc le bas-ventre avec le crayon pubien et le sexe est clairement indiqué, les cuisses, et puis au-dessus, il n'y a rien, ça s'arrête à la taille, et vous avez cette tête de bison. Donc, on viendra justement sur ce que ça peut vous dire. Voilà le bas-ventre d'un peu plus près. Et puis, même si les peintures sont dominantes, il y a des cas de gravure dans la surface un peu molle, avec en plus un animal très exceptionnel, une chouette ou un hibou, qui sont très très rarement représentés. Donc, on verra tant la plus fraîche. Mais l'exemple de chevaux, on s'est demandé si parce qu'on ne peut pas tout dater, on peut dater que le carbone, quand c'est peint en noir, si ces tracés n'auraient pas pu être faits justement par les solutréens 2000 ans plus tard. Et là, on a quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a des ossements d'ours qui traînent, mais il y a un crâne d'ours qui a été posé sur un bloc. Donc ce n'est pas les ours tout seuls qui ont pu faire ça. Et donc ça veut dire que soit on l'a posé comme ça pour faire joli, soit c'est un peu plus que ça comme geste. En tout cas, c'est un des gestes visiblement non humanitaires qui, à part toutes les représentations, étaient dans la grotte. Donc comme je vous l'ai dit, on ne peut pas rentrer dans Chauvet, sauf vraiment pour des raisons scientifiques. Donc c'est pour ça que, pour en tirer parti, les collectivités territoriales et les ministères de la Culture ont construit une réplique qui est d'une grande qualité. Donc vous voyez là la mise en place avec des techniques extrêmement modernes, 3D, pour reproduire, et avec des artistes de haut niveau qui ont pu faire ce qu'on peut visiter. Voilà. Panneau avec les lions et les rhinocéros que vous voyez tout à l'heure, et tel qu'il a été fait d'abord dans par Gilles Tozzello, un des meilleurs dessinateurs et de préhistoire, et qui est aussi un de ceux qui étudie de près la grotte. On a fait dans un atelier des reproductions avant de les transporter. Un endroit et aussi la répétition, la reproduction soignée des réactivités. Alors simplement, ce que vous pouvez visiter, c'est pas la grotte, c'est la grotte un peu compressée par rapport à l'original, mais chaque endroit où vous avez les représentations, complètement grandeur nature. Alors j'ai évoqué ce qui se passe ensuite. Donc, des grottes peintes à la. Sachant qu'on n'a pas fait le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne, parce que là vous avez 200 grottes à peu près, mais pour vous montrer que c'était quand même un phénomène assez vaste, à des époques un peu plus récentes, autour de entre 20 000 et 10 000, comme la grotte du Mas David, ici, donc le grand classique à Lascaux, et à Lascaux, le roi Goran montrait qu'il y avait une grande opposition entre les taureaux et les chevaux que les taureaux étaient souvent associés à des signes de symbolisation de sexe féminin et les chevaux de sexe masculin. Donc il y avait un troisième animal, cervidé, bouquetin, etc., un peu périphérique par rapport à cette grande opposition. Lui de l'Assaut, ici Pêche-Merle, célèbre cheval pointillé avec les mains négatives. Gargasse, vous avez aussi des mains, et là, l'Inde et l'Australie qu'on a vu tout à l'heure. L'Espagne, vous avez des mains positives également. Et Gargasse, donc, dans le sud-ouest. Vous avez aussi des tracés complètement aberrants, ça arrive. Ici, à Rouffignac, sur l'argile des Barrois. Et puis, un certain nombre de points, comme soit en cupule ici creusée, donc cette grotte de Fontanet qui est assez récemment découverte, et c'est une des premières qui a été fermée d'emblée. Et puis, des points, comme on a vu tout à l'heure à Chauvet. Alors, ça veut dire que quand on parle d'art abstrait, l'abstraction, elle n'est pas à la fin de l'histoire de l'art. Elle existe dès le début, ces points. Et que finalement, c'est ça qui va donner l'écriture 10 000 ans plus tard. Hein. L'écriture, c'est toujours des signes abstraits, mais dans une société de petite taille, on peut tout se transmettre oralement, y compris des épopées, des prières, des généalogies, mais quand la société devient très compliquée, qu'il faut gérer les biens, la propriété, les impôts, etc., on va combiner ces signes abstraits en écriture, les premières écritures remontant à moins 3 500. Ces signes ne sont pas faits au hasard, on a pu, ici, par le préhistorien Denis Bialou, de faire tout un catalogue extrêmement précis des différentes sortes de signes qui, quelquefois, sont différents suivant les grottes. Donc, il y a aussi des tendances un peu régionales propres à chaque groupe. Donc, ce qui va caractériser aussi l'époque suivante, à partir de notamment le Gravettien, c'est ce qu'on va appeler des Vénus, parce que Vénus est plus noble, et on est dans l'Antiquité romaine, donc. C'est aussi un brevet de respectabilité. Il y a très peu de représentations masculines, essentiellement des représentations féminines à cette époque, dans les 200 connus, et qui sont toutes faites sur un canon extrêmement précis, qui a bien mis en évidence le roi Rouen. Donc ça veut dire que ce n'est pas une représentation naturaliste, mais que c'est une sorte de code. Alors, on dit classiquement que c'est la fécondité, la fertilité, la maternité. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plutôt la sexualité qui en cause, parce que c'est quand même très sexualisé comme représentation, sachant que l'espèce humaine est la seule, parmi les mammifères et précisément les primates, où la sexualité n'est pas soumise à des arrêts. Chez les femelles des primates, il y a un certain nombre de périodes régulières où elles ne sont pas réceptives du tout, donc il n'y a pas de rapport sexuel. Chez les humains, la sexualité peut être pratiquée tout le temps, peut être vue comme un avantage, mais qui est aussi une cause de tension permanente. Et dans les plus anciens textes, l'Iliade et l'Odyssée, ça commence par une infraction sexuelle. Paris enlève Hélène, la femme de Ménélas, et s'ensuit 10 ans de guerre. L'histoire de Rome, c'est l'enlèvement des Sabines. Sur les frontons des temples grecs, vous avez très souvent le combat contre les Amazones, qui sont des femmes qui veulent se passer des hommes, ou l'enlèvement des femmes de la tribu des Lapites par les Centaures. Donc la sexualité est très présente dans les préoccupations les plus anciennes humaines, et on peut penser que ces représentations extrêmement codifiées sont une manière, d'une façon ou d'une autre, d'essayer de penser sur ce problème qui est une menace pour la société. Et vous voyez là, par exemple, on a enduit d'ocre rouge des plis normales de la paroi Fond de Baume, et ça ressemble beaucoup à un sexe féminin, et on a ça à plusieurs reprises. On a des représentations qui sont explicitement sexuelles, toujours de la même période, avec quelquefois même des représentations qui sont ambiguës. aussi bien évoquer un sexe masculin que, au contraire, une représentation féminine avec la représentation des saints. Une autre caractéristique, vous l'avez vu déjà pour Chauvet, mais on l'a pour les périodes suivantes, c'est qu'il y a très peu de scènes où il se passerait quelque chose. On cite toujours, justement, il y a trois ou quatre cas de scènes, où la scène dite du puits, donc un puits justement à l'intérieur de Lascaux, où il y a un bison qui charge un individu, le sexe ici est en érection. Le bison, lui, a l'air de perdre ses entrailles, et il y a une espèce de sceptre là à tête d'oiseau. Donc il se passe quelque chose, une scène mythique qu'on ne connaît pas, mais c'est tout à fait exceptionnel. Sinon, les animaux sont posés comme ça, pas toujours à la même échelle. Il n'y a pas de représentation de paysage, il n'y a pas de représentation de plantes. Et ça, c'est les quelques autres scènes où on voit un bison qui charge quelqu'un. De même que il y a très peu de représentations masculines. Là, on s'est interprété, pas de détails, comme représentation de coït en haut à gauche sur une plaquette. Et il y a des cas exceptionnels, la grotte de la Marche et celle dans l'Aisne, où on a ces espèces de caricatures comme ça, mais sur des petites plaquettes. C'est pas des peintures sur les barreaux. J'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Il faut signaler aussi que, au moins au Portugal, dans la vallée de Coa, qui a à la fois la qualité du rocher et le climat très sec, on fait qu'on a un art qui s'est conservé dehors. Donc ce n'était pas que dans les grottes, c'était aussi dehors. Ça s'est conservé, ça permet de supposer que sans doute on avait des tas de gravures, voire de peintures à l'extérieur, donc on n'a jamais trouvé. Et enfin, l'ultime manifestation autour de l'esthétique et de l'art, c'est toujours le design, c'est-à-dire c'est des objets utilitaires, ici c'est des propulseurs qui servent à lancer les javelots, mais qu'on fait en même temps avec une vraie qualité esthétique. Donc cette idée du design qu'on va trouver après. Alors les interprétations, il y en a eu des tas, hein, j'en ai listé comme ça 7 ou 8 parmi les principales. Je vais passer en revue, on l'a mentionné sans les détailler. L'abbé Breuil, par exemple, disait que Lascaux c'était la chapelle Sixtine de la préhistoire, c'est normal pour un abbé. Et avec cette idée qu'au début, que c'était soit de l'art pour l'art, ou la nature belle donc, qui peignait. Et d'autres disaient que c'est des magies de chasse, ils veulent aller tuer un bison, ils dessinent un bison, ils ont l'arbre de flèches et tout va bien. Sauf que c'est des rituels qu'on n'a jamais trouvés dans le monde, dans les populations traditionnelles. Et justement, les animaux représentés ne sont pas ceux qu'ils mangeaient. Donc c'est Max Raphaël, historien d'art, et Annette Lamy-Montraire et Laura Gouran qui se sont mis à essayer de voir comme un tout ces dessins, et pas des animaux isolés, des actes isolés. Et Laura Gouran, en même temps, a montré justement qu'il y avait une structure d'ensemble qu'on trouvait dans l'ensemble de ces grottes. Hein. Il a écrit un petit livre corrosif très drôle, qui s'appelle Les religions de la préhistoire, dans lequel il démolit toutes les théories, notamment le culte de l'ours, qui se lit très facilement. Et puis un très gros livre, là, c'est la réédition, où il développe ses théories avec des photos magnifiques. Donc le roi du monde, la plus grande figure de la deuxième moitié du XXe siècle dans la préhistoire française. On a essayé d'autres choses, là. Un chercheur anglais qui s'appelle Steve Mitten, M-I-T-H-E-N, autour de l'activité cognitive, etc. L'ethnologue Alain Testard, dans un livre de 2012, qui est très intéressant, il est mort juste après, je pense que c'est plutôt, comme justement il n'y a pas de proportion de la pub, et il suppose que c'était des sortes de totems, chaque clan avait son animal et on dessinait son animal. C'est une idée qui a été reprise dans ce livre, qui a eu un certain succès médiatique, la plus vieille énigme de l'humanité par un dessinateur de BD, Bertrand David, qui a émis cette idée que pour dessiner, on avait les animaux sur des petites plaquettes, et puis on les mettait devant une bougie, devant une torche, et puis on décalquait l'enfant. Il a eu l'idée parce qu'il a vu l'ombre du mobile de son petit garçon, parce qu'il le couchait. Alors il y a eu tout un débat autour de ça. Moi, j'ai trouvé l'idée sympathique, et pas plus qu'une autre, mais il s'est fait plutôt mal voir, mais libre avec du succès. Et puis, ce dont vous avez entendu parler, développé par Jean-Claude, qui dit que c'était des chamans, c'est-à-dire des sortes de sorciers. Donc les chamans, normalement, ça n'existe qu'en Sibérie. C'est ça, c'est des gens qui ont des qualités particulières qui leur permettent de dialoguer avec les esprits, de voyager dans l'espace, de guérir les gens, etc. Et c'est souvent mis un peu à toutes les sauces, ce mot chaman, parce que normalement c'est un sens ethnologique très, très précis, et donc c'est l'idée que ce serait des chamans qui peindraient comme ça en état de transe, ou leur souvenir de transe. Et là à droite, vous avez un livre, Chamanisme et art préhistorique, qui est un livre collectif pour critiquer ces théories, même si elles ont été très médiatisées, elles sont présentées en tant que telles, notamment par les gens qui font visiter la réplique de Chauvet. Si vous vous intéressez à l'art ancien en général, il y a deux autres livres traduits en français. Franz Boas, l'art primitif, ça date de 1923, mais c'est toujours actuel. Il y a un livre tout récent de Algel, l'art et ses agents, traduit de l'anglais. Alors je voudrais juste vous montrer, dans les deux minutes qui restent, que ces tendances qu'on a dans l'art préhistorique, finalement, on va les retrouver jusqu'au bout, jusqu'à nos jours. Ces représentations féminines au caractère sexuel exagéré, on les a aussi au néolithique. Là, c'est né en Bulgarie, l'agriculture, les plus anciens villages d'agriculteurs en Europe, vers moins 6000, où les représentations sont toujours explicitement sexuelles. Ça va changer à partir du moment où apparaissent les premières inégalités sociales fortes, où la représentation majoritaire, ça va devenir au contraire, c'est plus des femmes, c'est des hommes en armes, parce que les sociétés se hiérarchisent, sont de plus en plus complexes et nombreuses, et ce qui va dominer, c'est le pouvoir. Et ce qu'on va illustrer, c'est le pouvoir. Par exemple, en Mésopotamie, le roi, vers moins 2000, monte vers la montagne, il y a le vieux soleil, il a vaincu les ennemis, donc la propre représentation du pouvoir va être omniprésente désormais dans les représentations, etc. Ça, en revanche, a connu du paléolithique. Ça va être caractérisé les sociétés polythéistes. Ensuite, à partir du moment où on a la société monothéiste, les représentations religieuses vont changer de nature, mais elles restent masculines. On est toujours, d'une certaine façon, dans le pouvoir. Et il va y avoir des représentations féminines qui vont perdurer dans le christianisme, aussi dans l'hindouisme, par exemple, mais d'une part minoritaire, et liée quand même en partie à la question du contrôle de la sexualité, puisque la Sainte Vierge, justement, a enfanté sans péché, elle est elle-même conçue sans péché. Donc on sent que c'est toujours cette question du contrôle de la sexualité présente dans la plupart des religions humaines. Donc ces représentations du pouvoir, on va les avoir jusqu'à nos jours, hein, dans différentes sociétés. Et ce qui va être là un art décoratif, hein, utilitaire d'abord sur les petits objets, va s'agrandir. L'époque romaine, c'est toutes les mosaïques, les statues décoratives, ou à la Renaissance, après la parenthèse du Moyen-Âge, on a tout cet art décoratif et laïque qui va continuer dans sa version pauvre. Et moins cher. Hein. Et un ultime événement, c'est 1828, l'invention de la photo, cette première photographie, qui fait que l'art a pris pour fonction de représenter le réel. Hein. Il ne représente plus le visible, il rend visible, disait Paul Klee. Et donc l'artiste n'a plus à produire fidèlement le réel, mais uniquement ses impressions, ou l'impressionnisme. Et il croit être complètement abstrait. Et même poser le problème de c'est quoi un objet d'art. Donc Marcel Duchamp de 1911, La Fontaine, n'importe quoi peut être un objet d'art. On peut récupérer des objets comme Picasso ou César ici, on peut fixer des repas sur les murs comme Daniel Schperi, compiler des automobiles, où ce qui va décider que c'est de l'art, ça va être uniquement le marché de l'art. L'œuvre de Jeff Koons va valoir plusieurs millions de dollars, ou Damien Hirst uniquement. Donc on est, là, on est uniquement à la fin de cette trajectoire, uniquement dans la marchandise. Alors, je vous donne deux, trois conseils de lecture. Sur la grotte Chauvet, le livre de Jean Clotte, il y en a plusieurs, hein, vous pouvez trouver facilement sur Internet. Le livre de Marc Azéma, dont je vous parlais tout à l'heure, Préhistoire du cinéma, justement, oui, avec un CD d'ailleurs, où il argumente ce qu'il y a au mouvement. Et puis un excellent livre écrit par moi-même, que je ne saurais recommander. C'est chez Azan. Voilà, je vous remercie. Bien, donc on a le temps pour quelques questions. Oui. Votre livre, il est chez Azan. Azan, oui. Et là, on a vu que ce que vous avez montré, c'est que du Sapiens. Sapiens, Sapiens. Ben, les zigzags au tout début, c'est Homo erectus, mais les représentants, on n'a pas jusqu'à présent de représentation représentative chez autre chose que Sapiens Sapiens, pour l'instant. Oui. Les peintures rupestres ont été dessinées sur quelle échelle de temps? Est-ce que c'est un phénomène très court ou bien c'est ce que sur des centaines d'années? Non, c'est des mille. Ah oui, à l'intérieur d'une grotte. À l'intérieur d'une grotte. Ça, on n'a pas les moyens de datation suffisamment précis pour le savoir. On a un ordre de grandeur, on sait que c'est moins 35 000, mais ce qu'ils ont fait, tout ça en a été, et ils ne sont plus jamais revenus. C'est exactement la question. Est-ce que ce sont des générations qui se sont on a tendance comme ça, au doigt mouillé, à dire que c'est des espèces de sanctuaires, c'était une sorte de mythologie, ou alors effectivement, c'est des animaux totems. Chaque clan, bon, c'est lié. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours des endroits faciles d'accès et qu'il y a des cas comme ça où ils ont fait 2 km au fond d'une grotte, ils ont mis dessiner des animaux dans une position acrobatique, donc ce n'était pas pour tout le monde. On a l'impression dans certains cas que ce qu'il fallait, c'est que ce soit marqué, que la grotte soit marquée, mais pas forcément que tout le monde y allait. Et là, quand l'argile est molle, on n'a pas beaucoup de traces de pas. En avoir l'état, donc ça n'était pas surfréquenté non plus. Oui. Les peintures n'étaient pas faites dans le temps, dans la grotte Chauvet. La grotte Chauvet, à peu près, mais quelquefois, il y a dû falloir des espèces d'échafaudages, et à Lascaux aussi. Là, on ne pouvait pas les faire jusque-là, c'était plus haut. On parlait de la. Les trois inventeurs, le souci de la contamination, mais les trois inventeurs de la porte Chauvet, ils sont allés jusqu'au fond ou ils sont restés juste à l'entrée? Non, eux, ils sont promenés un peu partout. Donc ils ont contaminé tout oui, les salles. Oui, mais sans doute, ils étaient quand même conscients, je ne connais pas le détail, puis c'est une histoire très, très compliquée. Les corps ont été partagés. Mais je pense qu'ils ont quand même dû faire un peu attention. Ils ont pris plein de photos. Oui. Photos, on ne fait pas attention. C'est sûr, parce qu'après, il y avait la question des droits photos. Alors, je suppose qu'on va rentrer dans l'ADN à eux pour éliminer. Je ne sais pas. Ça paraît logique. Les tâches, c'est fait en soufflant les roues, ils sont bien réguliers, est-ce que c'est fait en soufflant la peinture? Certains c'est en soufflant, d'autres ça a l'air plus appliqué pour ça directement avec le loco rouge. Mais le loco rouge, on ne peut pas le dater, parce que c'est bien avant la fleur. Mais c'est la régularité des cercles qui est quand même impressionnante. Je vois une partie soufflée, mais on ne connaît pas toujours le procédé. Justement, il y a eu des débats sur le dessinateur là, qui avait proposé que qu'il fallait décalquer les ombres. Et donc, néanmoins, on ne connaît pas ce procédé. Les peintures européennes, on en a un peu partout dans le monde, et j'ai toujours fait à main levée. Parce que donc, la femme d'une bougie bouge beaucoup, donc je ne vois pas très bien comment on peut faire un système d'ombre relativement stable. Oui, c'est une des objections qui ont été faites, parce qu'il a vu ça dans le les mobiles de ce petit garçon, mais c'était la lumière électrique. Hein, c'est pas la bougie, je ne pense pas. Vous avez parlé de squelette d'ours, mais il n'y a jamais de squelette de l'ours. Mais non, ça arrive dans certaines grottes, mais pas beaucoup. En tout cas, ce n'est pas un usage général, c'est systématique et organisé, comme ça peut être plus tard. Il y a des grottes néolithiques ou celle que d'Atapuerca, justement, qui était une grotte funéraire. Mais les grottes peintes ne vont pas être utilisées comme. Donc, il y a une sorte d'exclusion entre les deux usages. Oui. L'art contemporain est fait pour être vu. Oui. Apparemment, ce n'est pas le cas de ces peintures rupestres. Oui. Pas. Mais là, quand on parle d'art, pour nous, c'est une notion complètement moderne. L'idée qu'il y a une séparation, une activité comme ça séparée, c'est dans toutes les sociétés traditionnelles, l'art n'est pas une activité à part. Effectivement, on fait des objets plus ou moins investis, plus ou moins beaux, comme le propulseur de Don Miguel. Et ces représentations, normalement, une fonction cérémonielle, religieuse, magique, etc. Justement, cette idée de l'art pour l'art, qu'on avait vu au début de la création de l'art paléolithique, était très anachronique. Il n'est pas saisi comme ça par la bonté de la nature, et il se mettait à dessiner des pions. Ça a toujours une fonction. Donc on va faire des objets plus ou moins investis dans des activités directement utilitaires ou plus cérémonielles, mais jamais l'idée de faire un bison pour décorer sa grotte. De toute façon, il ne vivait pas dans les grottes. On a eu les moyens de fouiller correctement, parce que plutôt que j'ai montré le roi Gourin avec pincement, les campements paléolithiques, ils vivaient à l'extérieur, dans des tentes. À d'autres populations, les grottes justement servaient plus de sanctuaire ou d'abri provisoire. Voilà. Et comme au début on a fouillé les grottes parce qu'on les voyait, on les trouvait, donc les fouilles se concentraient. Puis comme il y avait les couches, ça donnait la chronologie, les époques successives. Et c'était pas là où ils vivaient. Donc on peut parler d'art uniquement. À partir du moment où on a des villes et des états, et où on a donc cette espèce d'art décoratif et de prestige qu'on va avoir comme l'art romain, les sculptures, les mosaïques. Mais avant, le terme art est un peu abusif, c'est faute de mieux. Oui. Je vais donner simplement un avis, mais moi je pense qu'ils ont quand même un côté très artistique dans leur façon de travailler. Je souligne simplement le fait qu'ils utilisent souvent les reliefs également de la roche et du rocher pour donner une sorte de perspective à un ventre ou à une gueule. Ça, c'est un petit côté quand même déjà où les gens qui faisaient ça, un petit nombre, parce que ce n'était pas tout le monde, avaient quand même l'œil et ils avaient quand même le coup de patte. Hein. Oui, ah non, mais ça c'est important. Oui. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, j'aime à me faire plaisir en pensant que Jean-Claude, justement, avec son côté chaman, bon, parce que chaman, effectivement, c'est en Sibérie, mais on les trouve aussi au nord des États-Unis, il y a des chamans aussi. Hein. Ah, c'est nous qui les appelons des chamans. Oui, ou gourous, tout ce qu'on veut, hein, et ça a toujours existé. Oui. Et je pense qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas l'électricité. Oui. Donc, le fait que tout soit à l'intérieur de ces grottes, on pouvait très bien amener une certaine partie de la population à l'intérieur, avec justement des torches, de la ligne à graisse, etc. Et amener les gens à commencer à repérer ou à penser à quelque chose qui était soit dans l'au-delà, ou en tout cas... légèrement magique, par des traits et par les ombres aussi qu'il y avait avec les torches. Donc c'est pour ça que je rejoins un peu Claude là-dessus. Le côté un petit peu, pas sorcellerie, mais enfin bon, il pouvait se passer aussi certaines cérémonies quand même. Ben, il faut conserver à l'idée le fait qu'ils ont strictement le même psychisme que nous. Donc, ils ont exactement le même rapport qu'ils peuvent avoir aux événements importants, la naissance, la mort, les rêves, les hallucinations, les maladies qui font délirer. Surtout quand on rentrait dans une grotte comme ça avec des torches, hein, ça devait être très impressionnant. Mais après, effectivement, le roi Mourin, justement, dans le petit livre que je disais, se moque un peu justement parce qu'il y a au début 20e, il y a eu des tas de représentations, de descriptions, on emmenait les adolescents tremblants, des cérémonies d'initiation. Une des grottes, la tube d'eau d'ouvert, qui est une grotte qui ne visite pas beaucoup, justement, où il y a une salle, où il y a, dans l'argile, il y a des pas, mais uniquement des talons et des talons d'adolescents. Donc, les gens sont mis à penser à un rituel d'initiation des adolescents lancés sur les talons. Et le grand parle justement de, on peut dire ça justement, les pas des adolescents dans les grottes, mais on peut aussi, dit-il, penser à la craie des flaques d'eau pour tous les enfants du monde. Mais vous avez raison, il y a cette exploitation des mouvements de la paroi, mais ça ne prouve pas que c'est de l'art croire, puisque les arts religieux du monde sont très, en général, c'est très investi. Mais c'est vrai que c'est un milieu extrêmement artistique et qu'on a de la chance qu'il y ait une grotte en France. Une question technique, simplement. Oui. Comment ça se fait qu'à Pechmerne, il laisse visiter comme ça depuis des décennies? C'est des grottes anciennement découvertes, elles ont été du coup aménagées. Elles ont été aménagées anciennement, donc il y avait un cheminement en béton, il est allé. Et puis voilà, ça rapporte de l'argent. Et si les peintures ne sont pas dégradées, ça va. Le problème de la seconde aurait continué à laisser entrer des hordes de gens tous les jours s'il n'y avait pas eu ces problèmes de champignons. Sinon, à partir du moment où c'est à date ancienne, comme celle de. Dans la région des Étiles, les barrels, les fonds de Gaume, les toujours vides. Dans certaines, ils ont mis une vitre au-dessus des peintures pour les protéger. Oui. Ah non, d'accord. Oui. La sortie de l'Afrique, elle se fait des deux côtés, par la Turquie et par le cap de Gibraltar ou... Classiquement, on dit que c'est par la Turquie, par le Proche-Orient. Moi, je vois pas pourquoi il ne serait pas parti. Passer aussi par le détroit de Gibraltar parce que. On a plus de grottes chez nous que par polaire. En Espagne et dans le sud-ouest. Ce qu'on a dans le Valle espagnol, c'est plus des abris. Quoi. Donc c'est surtout les grottes de Cantabrique, là, du nord-ouest, avec un climat un peu atlantique et plus méditerranéen. Donc pour avoir des grottes, il faut du calcaire, il faut de la rivière souterraine. Vous en avez de ci, de là, un peu plus haut. Il y a une grotte en Mayenne, par exemple, qui s'appelle Mayenne, justement, la grotte Margot. Il y a quelques grottes qui ont survécu. Vous en avez eu en Sibérie, mais cela dit, toutes les grottes n'ont pas été cuites. Il y a des régions d'autres régions karstiques, comme la Slovénie, par exemple. Qui est justement là où il y a le karst éponyme et qui a donné son nom à toutes les formations calcaires, les dolines, etc. C'est des Slovènes, mais elles n'ont pas été sous des grottes, mais toutes les grottes n'ont pas été utilisées. Oui. Vous avez évoqué à un moment les différences d'animaux qui existaient, par exemple, sur Lascaux. Oui. Donc, les chevets, avec la différence de temporelle. Oui. Et est-ce que c'est corrélé avec les modifications du climat? Est-ce qu'il y a une recherche dans ce sens? Non, il fait froid depuis moins 115 000 ans. La dernière glaciation, dite de Lyon ou de Vexin, selon les régions d'Europe. L'interglaciaire précédent, qu'on appelait les Émiens, c'était entre moins 130 000 et moins 115 000. Il a duré 15 000 ans. Là, on est dans un interglaciaire de nouveau depuis moins 12 000, moins 10 000. Si on suppose qu'il va durer aussi 15 000 ans, donc 3 000 ans, il fera de nouveau froid, donc il ne faut pas s'inquiéter pour le d'espace. C'est des questions d'orientation de l'axe de la Terre par rapport au Soleil, dans les théories actuelles. Cela dit, à l'intérieur des glaciations, comme à l'intérieur des interglaciaires, vous avez des oscillations, hein, comme le petit âge glaciaire des 16e, 17e, 18e siècle, hein, et à l'intérieur des glaciations, il y a des maximums glaciaires. Il y a eu un maximum glaciaire vers 20 000, je crois. Là, c'était, il faisait vraiment froid. Très froid. Et donc, tout est stocké, dans les glaces, des pôles et aussi des Alpes. Là, il y avait 2 km de glace au-dessus de Grenoble. Et du coup, le niveau de la mer est beaucoup plus bas. Donc, par rapport au détroit de Gibraltar, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile. En revanche, pour passer le détroit de Bering, pour le peuplement de l'Amérique, qui pour l'instant est daté pour être une ancienne date de moins 20 000, il faut à la fois que ça soit gelé pour passer le détroit, mais pas trop, c'est très bien une barrière de glace infranchissable. Mais en même temps, quand on dit sortie d'Afrique, c'est une manière un peu rapide. Ils ne sont pas brusquement, je sors d'Afrique, en Afrique, et puis jamais après. Donc, il faut imaginer des mouvements comme ça, ils ne sont pas aperçus qu'ils sortaient d'Afrique, parce que c'est des échelles de temps qu'on a du mal à imaginer. Ils ont agrandi progressivement leur territoire de chasse. Et Gibraltar, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas pu le passer, puisque l'Australie est peuplée très tôt. Et là, il y a vraiment un bras de mer. Quoi qu'il arrive, de 100 km à peu près. Donc, et on a des évidences de présence d'hommes de Néandertal en Crète à moins 130 000, et la Crète n'a jamais été attachée au continent. Donc la capacité éventuelle de navigation, elle a pu commencer assez tôt. Oui. Parmi les 8 interprétations de l'usage, est-ce que le comité scientifique est d'accord aujourd'hui sur privilégier un aspect plutôt qu'un autre, l'art pour l'art, ou le chamanisme ou autre? Après, c'est des modes et puis c'est des positions de pouvoir médiatiques, c'est des choses comme ça. L'art pour l'art et la magie de chasse a été abandonné. Le Rabouin était longtemps dominant. Et après le Rabouin, les gens sont mis à le recopier respectueusement ou au contraire à essayer de trouver autre chose. J'ai pas fait toute la liste. Après, il y a eu le chamanisme qui n'a pas été lancé complètement par Jean Cotte, mais par un Sud-Africain qui co-signe un livre sur le chamanisme qui s'appelle Lewis Williams, qui s'inspirait de rituels qu'il avait vus chez les Bushmen en Afrique du Sud. Donc il a lancé, et puis c'est vrai que ça a été très médiatisé, que la hache ouverte s'est repris. Là, je ne suis pas du tout convaincu, je le lis d'autant plus facilement que je l'ai écrit noir sur blanc, et que Plot me répond dans un livre, donc ça n'a rien de secret, mais ma position est pourquoi pas le chamanisme, mais tout aussi bien pourquoi. On a le droit de faire des hypothèses. Il y a deux moments dans les sciences, il y a le moment où vous faites des hypothèses, il y a le moment où vous vérifiez vos hypothèses. Il y a des hypothèses qui sont vérifiables, il y en a qui ne sont pas vérifiables, donc ça veut dire que vous êtes en attente de pouvoir les vérifier d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que le chamanisme, ça plaît, il y a un côté un peu New Age, il y a justement chez les Amérindiens, les Indiens entre guillemets d'Amérique, il y a des mouvements aussi New Age, il y a la langue du néo-chamanisme à l'usage des donc il y a tout ça, il y a une atmosphère autour du chemin, souvent c'est la durée d'une génération, d'une mode, et après sa capacité à être médiatisée. Pour que quelque chose soit médiatisé, pour que ce soit un peu dans l'air du temps et que ce soit facile à comprendre. Vous êtes tous convaincus, vous avez faim. Et le musée de l'or va réouvrir dans combien de temps? Le 25-26 octobre, c'est imminent. Et il y aura aussi, comme autrefois, il y avait des conférences justement sur... J'imagine, je n'ai pas regardé tout ça, mais c'est vrai que cette histoire est très dommage, parce que le musée de l'homme, ça a été conçu dans les années 30, c'était un grand projet intellectuel qui associait l'histoire biologique de l'homme, l'anthropologie physique, l'ethnologie contemporaine et puis la préhistoire. Et pour différentes raisons, on a décidé de couper un morceau et de descendre l'ethnologie en bas, dans une zone inondable, l'actuel musée du Quai Branly, et en laissant la préhistoire et en ne mettant pas toute l'ethnologie, puisque l'ethnologie de l'Europe et de la France ont été envoyées à Marseille, au MUCEM, mais où elles ne sont pas exposées non plus. Le bâtiment est architecturalement très beau, intéressant, mais toutes les collections qui sont au musée des arts et traditions populaires pour la France et au musée de l'homme pour l'Europe ne sont pas du tout exposées. Il y a une exposition permanente, mais qui est toute petite. Et puis il y a des expositions temporaires qui sont très bien faites, mais là ce n'est plus un musée, c'est un lieu d'exposition. Donc ça a plutôt été une régression à la fois scientifique et muséale, cette affaire du musée. Donc là, le musée, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des erreurs de gestion à répétition, et aussi le fait qu'en France, on ne sait pas réformer une institution de l'intérieur. Quand une institution ne marche pas bien, on en crée une à côté. On les empile. L'Université de la Sorbonne commençait à vieillir, on a créé le Collège de France, François 1er, puis après l'École des études. Puis... Oui. J'ai travaillé au Musée des Arts et Traditions Populaires, au début de ma vie professionnelle, et bien des années après, je suis retournée pour faire des recherches à la bibliothèque, au moment où justement le musée était en train de mourir selon les. Et les personnes étaient catastrophées de voir que la plupart des objets ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, s'ils étaient allés à Marseille ou ailleurs. C'était une catastrophe. Ce musée était très innovant dans les années 70. Alors justement, je me rappelle, parce que c'était le moment où il a quitté Chaillot pour aller au Jardin d'acclimatation. Mais le problème, dit-on, à l'époque, c'est qu'il y avait une tour, parce que Georges-Henri Rivière avait souhaité qu'il soit à cet endroit pour faire comme les musées de plein air dans les pays du Nord. Mais étant donné que le musée était une tour, l'un des personnages municipaux de l'époque avait dit que ça lui bouchait la vue, et il a tout fait justement pour que le parc d'acclimatation et les ATP ne correspondent pas. C'est aussi un symptôme, si vous voulez, dans la plupart des pays d'Europe, vous avez des grands musées nationaux ethnographiques dès le 19e siècle. En France, le seul qu'on ait fait, on le conçoit dans les années 30, et il faut attendre 1975 pour l'inaugurer, et au bout de 10 ans, on laisse mourir. Et c'est la même chose pour l'archéologie du territoire national. Alors, tous les musées nationaux, tous les pays du monde ont un grand musée national au centre de la capitale. Nous, on en a un qui s'appelle le Louvre, mais il n'y a pas un objet archéologique trouvé sur le sol français. C'est la Grèce, Rome et l'Orient, parce que pour les élites françaises, le passé noble, et l'archéologie se sert aussi à raconter l'histoire noble, c'est la Grèce, Rome et l'Orient. Les Gaulois, c'était des barbares, on a la vision des vainqueurs, ils ont été vaincus, ils ont perdu leur langue. Ça fait rigoler, c'est Astérix ou la gauloiserie. Au pire, c'est récupéré par Napoléon III ou par Jean-Michel Pétain. Et donc, c'est au musée de Saint-Germain-en-Laye. C'est une expédition, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas beaucoup de public. Et c'est un symptôme aussi, si vous voulez, géographique et financier du rapport des Français avec l'archéologie. C'est pour ça aussi que je me suis beaucoup occupé de l'archéologie préventive, qu'on a été très en retard par rapport aux autres pays européens. On a tout détruit pendant les Trente Glorieuses, parce que ça intéressait à des vaincus. En plus, il y a trois défaites successives, les Gaulois par les Romains sont vaincus par les Francs, et les Francs disparaissent culturellement, puisque ce que je suis en train de dire, c'est du français, mais c'est pas une langue germanique, c'est du roumain, 2000 ans plus tard. Donc commencer son histoire sur une défaite, contrairement aux Allemands qui commencent sur la victoire du Germain Arminius contre les légions d'Auguste, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai qu'on gère très mal, de même que dans beaucoup de pays d'Europe, il y a des grands musées régionaux qui sont à la fois des lieux de présentation, des lieux de conservation, mais aussi des lieux scientifiques avec des revues, des chercheurs, etc. On n'a pas du tout ça en France. Pour des réseaux historiques, c'est pas parce qu'on serait intrinsèquement. Voilà, voilà. Bien, ça va être des bonnes appétits.